Film Vaxxed, la possibilité d'un lien entre des vaccinations et l'autisme est censurée. En 1998, dans la revue médicale spécialisée Lancet, le docteur Andrew Wakefield, en collaboration avec le professeur Walker Smith, a publié une étude sur une liaison possible entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme. L'étude n'affirmait pas qu'il y avait une liaison démontrable entre le vaccin de la rougeole et l'autisme. Elle exigeait au contraire d'en faire l'exploration plus exacte au moyen d'autres études. Malgré tout, en 2010, le General Medical Council, GMC, une sorte d'ordre des médecins britanniques, a intenté un procès contre les deux médecins, les accusant d'avoir manipulé les résultats de l'étude. De ce fait, les docteurs Wakefield et Smith ont perdu l'autorisation d'exercer la médecine en Angleterre. En février 2012, le professeur Walker Smith a fait appel avec succès contre cela et a récupéré son autorisation. Dans les motifs du jugement, le juge Meeting soulignait explicitement que les décisions du GMC, sur la base desquelles Walker Smith et Wakefield avaient été interdits d'exercice en Angleterre, étaient fondées, je cite, sur des preuves insuffisantes et superficielles, ainsi que dans de nombreux cas, sur de fausses conclusions. Au final, cela signifie que les faits imputés, à savoir un comportement immoral grave et la peine de la radiation du registre de médecins, sont rejetés. Plus loin, le juge critiquait le fait que dans les procédures du GMC contre Walker Smith et Wakefield, il n'y ait eu aucun plaignant et indiquait qu'aucun dommage ou peine n'avait été causé aux enfants examinés. Le docteur Andrew Wakefield n'avait pas participé à l'instance d'appel. Alors que l'assurance défense recours de Walker Smith s'était déclarée prête à prendre en charge les frais du procès, l'assurance du docteur Wakefield le lui refusait. À l'époque, les ressources personnelles du docteur Wakefield ne pouvaient pas couvrir les frais. En 2016, le docteur Wakefield a publié le documentaire « Vacciné, Vaxxed, la vérité choquante ». Celui-ci montre un lien possible entre des vaccinations et l'autisme et en plus la manière dont l'administration américaine de protection des épidémies, CDC, a délibérément caché des données. L'acteur américain Robert De Niro avait projeté de montrer ce film au festival cinématographique Tribeca à New York, mais une violente tempête des médias a forcé l'acteur à retirer le film. De Niro, qui a lui-même un enfant autiste, avait lui-même lancé une recherche sur les causes de l'autisme dont on n'a pas encore les résultats. À présent, le film Vaxxed est à l'affiche de certains cinémas allemands. Là aussi, pendant la phase préparatoire, et selon Hans Tolzin qui informe sur les vaccinations, des prétendus membres de l'Antifa et des groupes d'autistes s'étaient déjà préalablement mobilisés contre la représentation du film. Ils menaçaient ouvertement tous les cinémas qui programmeraient le film. Le groupe de médias Bush, organisateur des représentations de cinéma, a écrit « Nous avons lutté contre beaucoup de résistance. Suite à des protestations contre le film, sans doute organisées professionnellement, beaucoup de cinémas ont exclu Vaxxed du programme, mais maintenant c'est sûr, la tournée aura lieu. Aujourd'hui, notre équipe de CLA TV participe pour vous en direct. Nous nous trouvons ici, dans le cinéma Luxor à Bensheim, où le film Vaxxed est projeté aujourd'hui dans deux salles différentes. Nous avons l'occasion de faire une interview exclusive avec le docteur Wakefield. Je passe pour cela la parole à mon collègue anglophone. Thank you, Dr. Wakefield. Merci, docteur Wakefield, de nous donner cette occasion de vous parler et de vous poser nos questions. C'est un honneur de pouvoir vous accueillir ici en Allemagne. Bienvenue en Europe. Vous vous occupez depuis longtemps du sujet des vaccinations et vous êtes le metteur en scène du film Vaxxed. Qu'est-ce qui vous a conduit à produire ce film ? Oui, comme vous le dites, depuis 22 ans, je lutte pour que la sécurité des vaccinations vienne à l'ordre du jour. Je tente de diriger l'attention du public sur le fait que certains vaccins causent des problèmes, en particulier le vaccin ROR. Puis, en mai 2014, nous avons eu l'occasion de faire quelque chose de tout à fait unique. En effet, pour la toute première fois, il y a eu un ancien de la profession, un lanceur d'alerte, un ancien scientifique de CDC, Center for Disease Control and Prevention, de l'administration américaine de santé, a expliqué. Je porte la responsabilité pour le fait que des millions de contribuables ont été trompés sur les effets secondaires négatifs potentiels des vaccins. Ils ont commis une tromperie scientifique grave. Cet homme ne pouvait plus vivre en sachant cela. et il est venu nous remettre tous les documents, toutes les analyses qui montraient exactement quelle tromperie avait eu lieu et à quel point la situation était grave. Et nous en avons fait un film. En fait, la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont d'une grande importance dans notre culture occidentale. Pourtant, à la sortie de votre film, vous avez rencontré une forte résistance. Pour quelle raison, d'après vous? Je pense que Vaxxed est le film le plus censuré dans l'histoire mondiale. Et, comme vous disiez, c'est extraordinaire dans les démocraties occidentales qu'on dise aux gens ce qu'ils peuvent voir, penser, lire, ce qu'ils peuvent aller voir au cinéma. C'est extraordinaire. Et ça a commencé avec Robert De Niro au Festival de films de Tribeca, où le film avait d'abord été accepté. C'est un festival très estimé. Et puis, sous la pression de certains sponsors commerciaux de ce festival, y compris l'industrie pharmaceutique, ils ont été obligés d'annuler le film. Cela ne devrait pas arriver, nulle part, mais particulièrement dans le cadre d'un festival cinématographique indépendant. Cela signifie la mort des cinéastes indépendants. Alors, Robert De Niro s'est présenté à la télévision et a dit « Nous n'aurions pas dû faire cela. Tout le monde devrait voir ce film. J'ai moi-même un fils victime de la vaccination. Tout le monde devrait aller voir ce film. Il est important. » Après, le film a continué de façon explosive. Nous sommes alors venus en Europe. Comme on s'y attendait, nous avons été censurés en France, nous avons été censurés en Belgique, nous avons été censurés en Allemagne et maintenant aussi en Australie et ailleurs dans le monde. Mais chaque fois qu'on essaye de censurer le film, encore plus de gens veulent le voir. C'est comme avec le film L'Exorciste. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il est sorti la première fois. J'étais trop jeune pour aller au cinéma, mais je suis descendu pour voir ce qui se passait. Les files d'attente faisaient le tour du pâté de maison. Il y avait des foules qui attendaient, et des prêtres étaient là et ils disaient « Si vous regardez ce film, vous irez en enfer. » Et des gens dans la queue disaient « Je ne sais pas de quoi il s'agit dans ce film, mais il faut que je le voie. » C'est exactement la même chose qui se passe ici. Ils sont victimes d'un désastre qu'ils ont eux-mêmes causé en censurant le film. Ici en Allemagne, les salles sont pleines dans tous les cinémas où nous sommes, absolument tous les soirs. Mais qui se trouve derrière? Qui dit que ce film ne devrait pas être montré? Il y a deux groupes qui se trouvent là derrière, les services de santé et l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique s'intéresse seulement à l'argent. La santé publique croit, parce qu'on le leur a dit, les groupes pharmaceutiques leur ont dit que les vaccinations sont la meilleure chose que nous ayons jamais faite et qu'on ne devrait jamais, en aucun cas, sous peine de mort, critiquer les vaccins. Et maintenant, par contre, malheureusement, il y a de plus en plus de dommages causés à des millions d'enfants. Ils l'ont nié tout le temps, et nous ne le tolérerons plus. Mais ce qui fait que ce film est censuré, qu'il est refusé, c'est principalement et sans aucun doute l'influence de l'industrie pharmaceutique. Que voudriez-vous atteindre avec ce film? Et malgré toutes ces confrontations que vous vivez, qu'est-ce qui vous motive à continuer tout de même? Il y a deux objectifs principaux. L'un est la transparence, apporter la vérité au public afin que les gens puissent commencer à décider par eux-mêmes s'ils veulent être vaccinés, eux-mêmes et leurs enfants, et comment. L'autre objectif est d'exercer une pression sur le Congrès américain pour qu'il fasse venir le Dr Thompson au Congrès, qu'il s'exprime sous serment pour qu'il puisse dire la vérité et amener tous les autres coupables concernés aussi là-bas en exigeant la transparence et la justification de ce qu'ils font. Pourquoi je le fais? Parce que c'est une des questions les plus importantes que j'ai jamais rencontrées en tant que médecin, sans aucun doute la plus importante. Les enfants sont l'avenir du pays et du monde. Maintenant, nous avons des enfants très très malades, qui n'auraient jamais dû être malades. Ce qui se passe avec moi, c'est insignifiant, ça n'a pas d'intérêt. Cela fait déjà 22 ans que je fais cela et je continue, car ce qui se passe avec ces enfants est d'une importance vitale. Alors pour moi, c'est une décision très facile de continuer ce travail. Encore une question. Nous avons vu dans le film que lorsque le nom du lanceur d'alerte a été connu du public et que le sujet a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, les médias commerciaux, les télés, journaux sont tous restés silencieux. N'est-ce pas étonnant? Comment expliquez-vous ce comportement de la radio, de la télé et de la presse? C'est une honte. En Amérique, comme vous le savez probablement, les groupes pharmaceutiques peuvent faire la publicité directement sur les émetteurs de télévision. Ils ont le pouvoir sur les gros titres. En dehors des années d'élection, 70 à 80% du revenu des chaînes de télé vient de l'industrie pharmaceutique par la publicité. Donc ils disent ce qui est montré et ce qui ne l'est pas. et ils ont décidé de ne pas montrer l'histoire de William Thompson. Donc les réseaux sociaux ont dû faire le travail. Le film a dû faire le travail et maintenant tout le monde en parle. Merci beaucoup pour cette interview, Dr. Wakefield. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la suite de la tournée et pour ce film. Nous vous remercions aussi de ne pas abandonner et d'encourager à l'avenir une discussion libre et ouverte sur ce sujet des vaccinations. Merci beaucoup. L'année dernière, à l'automne, j'ai reçu un appel de quelqu'un du CDC qui disait que deux semaines plus tard, un lanceur d'alerte du CDC s'exprimerait publiquement sur le fait que le CDC avait menti avec l'étude ROR et qu'il savait que les vaccins provoquent l'autisme. Mon fils aîné, Yann, était totalement normal à la naissance et se développait tout à fait normalement. On peut voir dans nos vidéos privées qu'il savait déjà marcher et même courir. 7 jours après les vaccins, il n'était plus capable de marcher. J'ai appelé l'hôpital et j'ai dit « Je crois que mon enfant a mal réagi au vaccin ». Et puis est venu le temps où il s'est tapé la tête. Il s'est tapé tout le temps la tête contre son lit, en fait, contre tout ce qu'il pouvait trouver. Ses parents ne sont pas pris au sérieux, comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qui arrive vraiment à leurs enfants. Maintenant, je me trouve dans une bonne position pour vous livrer un grand nombre d'informations. Et le CDC connaît depuis toujours le risque d'autisme lié au vaccin ROR. Le CDC décide de continuer la même politique de santé sans aucun changement concernant la vaccination. Vous qui travaillez dans le domaine de la santé, vous qui dirigez les autorités de santé de ce pays, vous avez une responsabilité envers ces enfants, de faire que ces études soient complètes et approfondies. Il y a beaucoup de doutes sur la sécurité de ce vaccin et il y a eu des problèmes qui ont simplement été dissimulés. Je vous assure que nous ne doutons pas de la nécessité de ce vaccin contre la rougeole. Nous sommes tous de l'avis que celui-ci est extrêmement important. Tout ce que j'ai conseillé lors de cette conférence de presse, c'est que les parents prennent une décision pour des vaccinations contre la rougeole, les oreillons, la rubéole séparément les unes des autres, jusqu'à ce que le problème soit résolu de manière scientifique. Mais ce qui est arrivé lorsque j'ai donné ce conseil, c'est que le fabricant Merck aux États-Unis a décidé d'arrêter la production de vaccins séparés, de sorte que les parents n'avaient plus d'alternative. Il y a quelques heures, le British Medical Journal a fait quelque chose d'inhabituel pour un journal médical. Il a accusé le scientifique Wakefield de fraude. Je vous conseillerais d'urgence de regarder les preuves scientifiques et les faits. Le CDC peut livrer de bonnes informations à ce sujet. Ne pas respecter un programme d'analyse, détruire des documents, soustraire un malfaiteur à la justice, causer des lésions graves sur des enfants innocents, tout cela doit être examiné. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que nous avons fait ça. Mais nous l'avons fait.